Des parents sous anxiolytiques dans les mines modernes, faut du gasoil dans la bagnole, rentrer la thune dans ta compagnie. Des bénéfices aux actionnaires et toi qui galères pour payer des fringues à tes mômes, que t'es triste à mourir. La jeunesse est au shit, à la C, à la colle. Dis-moi ce qu'on lui offre qui vaille mieux que ça, que l'appât du gain toujours de le voir sur nos êtres. Nous n'avons plus d'autre rêve que celui d'oublier. Tu les as vus les autres, ils ont le regard pauvre, plein de sous dans leur poche, la commission qu'ils font pour le crédit de leur bagnole. Ils sont en Porsche ou en Aston, toujours accompagnés d'une conne. Ils ont le regard de la mort, le regard de la mort. L'obscurantisme, décidément, fait des petits de jour en jour. C'est sûr, eux, ils brûlent pas de bagnole, pendant qu'ils font des farandoles dans leur putain de boîte de nuit, dans leur putain d'assemblée. C'est sûr qu'ils font partie de la communauté. Servir à soif, à qui a faim? Prenez le vide, à qui est plein? Et faire la mort à des corps sourds. Pourquoi faudrait-il que l'on s'aime? Pourquoi faudrait-il qu'on s'en souvienne? Quand ça rend le cerveau trop lourd, offrir des rires à qui a peine, et se jeter sous des poids lourds. Évadez-moi, embrasons-nous. Me voir devenir mort quand la chair est à vif, dans les combats des tigres, passer entre les griffes, et sentir dans la veine qu'on est proche de Dieu, et puis sentir la haine qui me monte aux yeux. Mes cris dans le silence ne me ramènent plus qu'à de tristes équations, de tristes inconnues, que je connais trop bien, la déchire et la viande qu'on serre entre ses bras ou qu'on coupe au couteau, ses filaires au fil du rasoir. Pendre à coups de corps perdu, évadez, évadez-moi. Embrassons, embrasons-nous. Au devant des supplices, c'est le cœur qui crie. Faut foncer dans le tas les barrages de police. Avec moi les fantômes aux ombres invincibles. Devenir invisible pour mieux toucher la cime. Y'a pas d'ordre qui tienne s'il y a pas le désordre. Pas la liberté si t'es pas prisonnier. Évadez, évadez-moi. Embrassons, embrasons-nous. Ils n'ont que l'argent à la bouche, il n'y a que l'argent qui les touche. Y'a des dollars sur leur bavoir, sûr qu'ils en ont à nous en vendre de la connerie. Moi je dis que celui qui s'achète une action a du sang sur les mains, celui d'un ouvrier à l'autre bout du monde qu'on renverra chez lui en lui disant merci. Mais il faut gagner plus, mais il faut gagner plus. De l'or, toujours on veut de l'or. Il rentrera chez lui, annoncer à sa femme qu'il le quittera bientôt. Tu rentreras chez toi, connard, annoncer à ta femme que tu n'as plus rien. Il est où le procès? Il est où le putain de procès? Allez, brûlons la bourse, histoire de leur donner le change. Moi j'attends le procès, moi j'attends le procès de ceux qui s'amusent avec des milliards de dollars. Pauvre petit con! Sûr, si tu voles un putain de portable, tu prendras 2 ans. Sûr, si tu payes pas ton putain de loyer, t'enverrons l'huissier. Mais si tu gagnes des milliards, allez, serre la main aux politiques. On veut les voir en tôle. On veut les voir en tôle. Démocratie, démocratie mon cul. T'en as pas marre, toi putain de peuple, qu'on te fasse le cul à chaque coin de rue, t'en as pas marre. Je ne vois que la rage de ceux qui n'ont plus rien, la tête au fond des chiottes à chercher l'oxygène, un jour, ouais, un jour. Un jour le peuple se lèvera. Un jour le peuple se lèvera. jour le peuple se lèvera